Je suis égyptien, copte. J'ai grandi en Égypte, au Caire, particulièrement, sous le régime de Moubarak, qui est un régime pseudo-démocratique. C'est une dictature, en fait. La condition des Égyptiens en général, socio-économiquement, politiquement, liberté d'expression et la condition des droits de l'homme en général, laissée à désirer, très particulièrement aussi la condition des minorités religieuses comme les coptes par exemple, ou les chiites, ou les protestants, etc., était particulièrement fâcheuse. Et c'est pour ça que qu'en 2011, la conscience collective égyptienne s'est soulevée, la conscience collective du peuple, et que tout le monde a crié pain, liberté, égalité sociale, c'était important de pouvoir créer un terrain d'entente ou même un champ commun où on pourrait discuter des idées des droits de l'homme, des idées de l'égalité homme-femme ou des égalités pour les droits de la femme, les droits des minorités sexuelles ou religieuses. Ce qui était particulièrement intéressant, c'était la présence de tous ces groupes différents, par exemple, et ces idéologies différentes, les gauchistes, les anarcho-capitalistes, ou même les anarcho-communistes, les anarchistes tout court, les anarchistes révolutionnaires. Après, il y avait aussi de l'autre côté les salafistes, les frères musulmans, tous les groupes islamistes. Et il y avait des groupes un peu plus laïcs qui, justement, et tous ces groupes-là, justement, n'avaient jamais interagi entre eux. Et voilà pourquoi c'était très très très important de pouvoir débattre à propos des droits, vu que les réalités en fait ne s'alignaient pas trop entre tous ces groupes-là. Surtout que tout le monde était impliqué par tout ce qui était brutalité de la police ou les gens qui s'étaient fait arrêter ou bien tuer par les forces de l'ordre ou les forces ou par d'autres groupes en fait qui ne se respectaient pas entre eux. Deux événements qui m'avaient parmi tant d'autres qui m'avaient marqué étaient le massacre de Maspero où une cinquantaine de coptes ont été roulés dessus par des chars et bien sûr le massacre de Port Said du stade.